Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Il existe des sociétés sans pauvres où la violence est identifiée, canalisée, où les jeunes sont élevés en harmonie avec la nature. C'est le cas de la société des Indiens Koki. Pas à pas, un chemin se crée. Il interroge notre monde et révèle une philosophie subtile à même d'éclairer les impasses de notre temps. Je suis persuadé, dit Éric Julien, que notre propre avenir passe par la réintroduction dans nos sociétés modernes de principes de vie qui fondent les sociétés racines. C'est sur le forum Incarner l'Utopie que j'ai rencontré Éric. Socialement, je suis consultant d'entreprise dans l'ingénierie du changement. Et dans consultant, je rappelle toujours qu'il y a sultan. Et les âmes bien intentionnées me rappellent qu'il y a con aussi. C'est une manière un peu de prendre du recul sur ce métier. Donc c'est justement des grands groupes, des grandes entreprises qui disent « Ok, moi, le patron te dit je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Mais ma question, c'est comment je fais dans un corset de règlement que dès que tu fais ça, tu as les avocats sur le dos, dès que tu fais ça, tu as un autre problème juridique qui te tombe sur la tête. » Donc même s'ils ont l'intention et la velléité, et même s'ils veulent réellement être solidaires avec leurs collaborateurs et un territoire, c'est complexe comment on y va. Voilà, donc j'essaie d'accompagner ces gens-là et ça donne des surprises assez étonnantes quand les gens découvrent que l'intelligence collective est une force. Et que si on fait les choses ensemble, quel que soit le défi qu'on se donne, on devrait pouvoir en sortir positivement. Mais il ne faut pas avoir peur de ce que ça va déclencher. Souvent c'est la peur hein, qui fait tenir les gens dans des positions pas tenables. Il faut lâcher un peu nos peurs, voilà. Et pour ma vie personnelle, j'essaie de trouver la paix. Je cherche encore. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. De 15 à 40 ans, c'est essentiellement l'ego qui m'a bougé pour être reconnu par mes amis, mes compagnons et les gens autour de moi. J'avais besoin d'exister. Et l'ego est une force intérieure assez intéressante puisque finalement elle fait mettre en marche des gens, quelle qu'en soit la motivation. La seule question, c'est d'en sortir. Et là, je suis rentré dans une période de ma vie où c'est moins l'ego, on va dire, et plus la nourriture aux autres et le lien avec les autres. Et ce que j'ai essayé de faire pendant la première partie de ma vie, c'est plusieurs choses. Payer ma dette auprès d'une communauté indienne en Colombie qui s'appelle les Kogi, qui m'ont sauvé la vie en 85. Ce sont des Indiens qui habitent dans une montagne la plus haute du monde en bordure de mer. J'ai eu un œdème pulmonaire à 5000 mètres. Et ils ont eu la gentillesse de me ramasser, de me sauver la vie. Et moi, je leur ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier. Ils m'ont parlé de la problématique des terres en Amérique du Sud, j'allais dire. Et je leur ai dit, il n'y a pas de problème, je m'en occupe, je vais vous aider à retrouver vos terres. J'étais gentil et naïf à l'époque. Et j'ai mis 10 ans avant de me dire, mais j'ai rien fait évidemment, comme souvent, hein. J'ai mis 10 ans avant de me dire, mais est-ce qu'il ne serait pas important de tenir cet engagement? Donc en 97, on a créé une organisation qui collecte des fonds, qui identifie des terres en Colombie, qui les rachète et qui aide les communautés indiennes à s'installer dessus. Aujourd'hui, on en est à 2000 hectares, 200 familles installées. Et les Indiens Kogi ont mis 15 ans à me faire confiance parce que pendant 15 ans, ils pensaient que j'allais leur demander quelque chose en échange. Que ça cachait quelque chose parce que souvent les blancs ou les civilisés, comme ils les appellent, ne tiennent pas leurs paroles. Quand ils te donnent d'un côté, c'est pour reprendre de l'autre. Ils ont mis 15 ans à se dire c'est peut-être vrai, pour une fois, quelqu'un nous donne sans autre velléité que de donner. Voilà, et là, on est en projet de racheter une vallée de 1000 hectares. Ça se passe bien, si on peut dire ça comme ça. Mais la modernité est de plus en plus gloutonne et violente. Donc, avant, il y avait la guérilla et les paramilitaires qui, bizarrement, étaient des dangers identifiables. Maintenant, il y a le tourisme, le développement économique, les forages pétroliers. Et ça, c'est un danger encore plus pervers et plus redoutable que la guérilla et les paramilitaires. Donc, qu'est-ce que ça va devenir? Je ne sais pas. Et pendant ces 15 années, tu as toujours conservé un lien avec le peuple Kogi. Tu as eu régulièrement des contacts avec eux. Pendant les 10 premières années, je crois que j'y suis pas retourné, 85-95. Et à partir de 95, j'y suis retourné. Maintenant, j'y vais 2-3 ans dans l'année, 2-3 fois dans l'année, selon les problèmes, les difficultés, les terres à acheter. Quand on identifie une terre qui leur convient, qui les intéresse, il y a tout un processus de, d'évaluation du prix, évidemment, vérifier si elle est achetable, enfin, il y a tout un protocole, peu importe, une fois que c'est achetable, on sollicite nos 7 ou 8 000 donateurs, on dit voilà, on a une terre, elle coûte 80 000 euros, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Et c'est comme ça qu'on achète les terres. Donc à chaque fois, il faut aller là-bas, il faut faire les travaux d'identification, il faut la donner aux Indiens. C'est eux qui sont propriétaires, il faut vérifier que ça se passe bien, qu'on ne leur repique pas les terres dès qu'on est le dos tourné. Il faut les aider à s'installer. Ils arrivent souvent sur les terres très abîmées, déforestation, insecticides, pesticides, donc les terres sont très malades. Donc il faut les aider, ça peut être avec des outils, avec des semences, avec un peu de nourriture au début pour qu'ils puissent se réinstaller. Et au bout de 10 ans, c'est assez touchant parce qu'une terre qui était déserte, au bout de 10 ans, si vous ne saviez pas qu'elle était déserte, vous retrouvez une forêt tropicale intacte parce qu'ils ne se contentent pas de reforester, ils régénèrent la forêt, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'ils remettent la forêt dans l'état dans lequel elle était avant la déforestation. Donc vous retrouvez une forêt première telle qu'elle a été avant la déforestation, et ça c'est vrai que c'est magique, avec des hommes et des femmes qui ont la possibilité de s'inventer leur futur. S'ils ont envie de prendre la télé, ils la prennent, je ne suis pas là pour leur dicter ce qu'ils doivent faire. Mais s'ils n'ont pas envie de la prendre, ils peuvent le faire. Et cette liberté, elle n'a pas de prix. Qui sont les Kogi? D'où viennent-ils? Est-ce que tu connais un peu leur histoire? Et aussi, quelles sont leurs valeurs? Les Kogi sembleraient être les descendants de la dernière société précolombienne encore en état de marche. On a tous entendu parler des Mayas, des Incas, des Aztèques comme société précolombienne, c'est-à-dire une religion, un système politique, une cosmogonie, système de relations qui leur est propre. Toutes ces grandes sociétés ont disparu sous l'effet de la colonisation. Et il en resterait une seule en Amérique du Sud qui a traversé l'histoire, qui a gardé tous les attributs de ce qu'on peut appeler une société, une langue, etc. Et qui n'est pas eu de rupture historique pendant 4000 ans. Il semblerait avoir des liens avec les Mayas, on peut dire les actuels Lacandons. Il semblerait avoir des liens avec des communautés de l'extrême sud de la Colombie. Donc ils auraient des liens avec des communautés à plus de 1000 km de leur lieu de vie actuel. Et leurs valeurs, c'est simplement les valeurs du vivant. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on en pense, la nature n'est pas un lieu de compétition sauvage. Pas du tout. Ça, c'est l'idée qu'on s'en est fait et qu'on a projeté. C'est plutôt une forme de coopération si on admet que le parasitisme, par exemple, est quelque part aussi une forme de coopération. Donc la nature est plutôt porteuse de valeurs de coopération. Et comme le système de ces communautés-là s'inspire et se base sur les règles du vivant, et non pas sur un isme, capitalisme, etc., né dans la tête de gens brillants, ben, les valeurs sont celles du vivant. Donc c'est du faire ensemble, c'est de la solidarité, c'est du feedback, c'est du respect, quelque part, toutes ces valeurs qui font de la coopération entre les êtres. C'est ça qu'ils essaient de faire vivre. Je pense que c'est ça qui leur a permis de traverser 4000 ans d'histoire. Tu parlais au début de l'ego, de ton ego jusqu'à 40 ans, tu étais plus dans l'ego, après tu as essayé de t'en libérer. Est-ce que les Kogi ont été pour toi un moyen d'intégrer ces valeurs nouvelles? Ou quel était ton chemin par rapport à cet ego? Je me réfère souvent à mon maître dans ce domaine-là, qui est Albert Jacquard, parce que Albert Jacquard, quand il avait 12 ans, il a eu un accident de vélo. Il s'est défiguré le visage, et donc à l'époque, il a maintenant 75 ou 80 ans, il n'y avait pas de chirurgie esthétique, il était dans une famille pauvre. Donc c'est lui qui parle dans un de ses ouvrages, il dit « Toute mon existence a été basée sur le fait d'exister au-delà de mon physique, puisque à mes yeux, je n'étais pas regardable par l'autre. » Moi, j'ai longtemps eu un problème physique, en tout cas, que j'avais du mal à porter, donc qui me rendait difficile à regarder par les autres, surtout quand on arrive à 15-20 ans et qu'on est dans l'âge où on a envie de rencontrer une femme. Donc je ne pouvais pas exister, en tout cas dans l'idée que je m'en faisais, dans le regard de l'autre, donc il fallait bien que j'existe par quelque chose. Donc je me suis lancé dans des courses en montagne, dans des trucs en delta plane où on prend plein de risques. Ne serait-ce que pour quand on se pose en delta, les gens vous disent wow, « Waouh, bravo, fort le mec, ce qu'il a fait, c'est super !» Puisque dans ma vision à moi, enfin l'image que je m'en faisais, je n'étais pas regardable en tant que tel. Et puis il y a des choses qu'on dépasse, des choses qu'on comprend, et la lecture de ce texte d'Albert Jacquard m'a éclairé sur mon positionnement. Et évidemment, la rencontre avec les Kogi est salvatrice, parce qu'ils nous vous laissent assez peu d'échappatoire dans ce genre de questionnement. Ils ne vous autorisent pas trop, il n'y a pas de sanctions, et ils ne m'ont pas dit c'est bien ou mal ce que tu fais, mais leur questionnement et leur manière d'être ne vous permet pas de vous échapper sur des fausses pistes, on va dire ça comme ça, donc ça aide incontestablement à grandir. Et ce qui m'a aussi aidé à grandir, c'est mon frère de cœur que j'ai perdu là-bas, qui s'est fait assassiner en 2005 par la mafia. Et d'un seul coup, ça arrive à plein de gens, hein. C'est pas moi uniquement, mais vous êtes confrontés à la mort, c'est-à-dire au maximum de ce que peut être la vie, c'est-à-dire la mort. Et ça vous remet les pendules à l'heure assez rapidement sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire qui donne du sens, et ce qui est peut-être important, qui nous noie l'esprit et la tête, mais qui nous fait perdre l'essentiel de vue. Donc quand vous êtes heureusement ou malheureusement confronté à ce genre d'épreuve, ça vous remet tout de suite les pendules à l'heure. J'avais un ami qui était longtemps, 18 ans, guérillero dans la guérilla au Guatemala. Pendant 18 ans, ils sont engagés à 300, ils ont fini à 4. Et je lui expliquais, donc il a perdu 196 de ses compagnons de lutte, avec tout ce que ça veut dire. Hein. Et je lui expliquais la mort de ce frère de cœur, Entil, là-bas, tué par la mafia. Et il m'a dit, avec un grand sourire, il est mort pour que tu continues. Donc une fois qu'on intègre ce genre d'information, on ne peut plus continuer pour l'ego, on doit continuer pour porter une espèce de flamme de vie, j'ai envie de dire. Parce que si les adultes que nous sommes ne transmettent pas cette flamme de vie, je crois qu'ils faillissent vis-à-vis des générations qui arrivent derrière. Voilà. Alors je ne dis pas qu'il n'y a plus d'ego du tout. C'est assez rigolo d'être en interaction avec une salle de gens qui vous trouvent rigolo. On s'y nourrit aussi, il ne faut pas être naïf. Mais en tout cas, il y a la conscience que c'est un danger dans lequel il ne faut pas se perdre. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps. Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. Comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. La seule chose que je peux dire, c'est que pour moi, c'est une banalité ce que je vais dire, mais quand même, le voyage commence avec ma compagne. L'altérité, elle est avec mon chat, avec mon chien, le poisson, pas mon poisson. Voilà. Et c'est un peu le livre de Paulo Coelho, on peut faire un grand voyage pour revenir à l'altérité du quotidien. Et que c'est la plus difficile, peut-être. Et je ne crois pas beaucoup aux voyages tels qu'on les vit actuellement pour une raison simple, c'est que nous choisissons le début, la fin et la forme de notre voyage. Et ceux qui ont, j'ai presque envie de dire, l'obligation de nous accueillir, ne choisissent pas de nous accueillir et n'auront jamais l'occasion, que rares exceptions près, de venir chez nous faire un voyage solidaire. C'est une manière de dire, je ne crois pas du tout à ces formes de voyage où nous on a le choix de faire ce qu'on veut quand on veut, mais la réciproque n'est pas vraie. Par contre, je crois vraiment à quelqu'un qui lâche prise dans l'altérité. C'est pour ça que je parle de mon voisin. Ça peut être à l'autre bout du monde, comme ça peut être dans une relation dans la rue. Voilà. Ça, c'est pour la partie voyage. Et pour la partie messager, c'est simplement, je pense, que la seule manière de parler, peut-être, c'est de parler des gens qui écoutent. Il y a d'être en résonance avec les gens qui sont là dans la pièce. Et si le témoignage n'est qu'un témoignage de ton histoire, il y a de très beaux témoignages, c'est pas inutile, mais si le témoignage que tu portes crée une résonance, il parle des gens qui sont dans l'instant où tu es avec eux. Et à partir du moment où tu leur parles de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ressentent, tu deviens le miroir qui les renseigne sur ce qu'ils ne savent pas d'eux ou sur ce qui vibre en eux. Donc ce n'est pas tant le message des Kogis ou le messager des Kogis, c'est plus le réveil de principes universels que partagent tous les êtres humains, mais que portent encore des sociétés comme les Kogis et qu'ont perdu les nôtres. Mais on les a perdus, mais on les a encore en résonance. Donc s'appuyer sur le message des Kogis pour résonner, faire résonner ce qu'on a perdu, c'est peut-être ça qui éveille la curiosité des gens. Mon histoire, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Tu peux développer un petit peu ce qu'on a perdu, selon toi ? Ouais, c'est tellement simple qu'on ne le voit plus, c'est qu'on vit en ville. On est 80% à vivre en ville et 20% à vivre en zone rurale. Or, c'est pas un regret, hein, mais quand tu travailles un peu avec la nature, tu sais très bien que les brebis, quand les brebis ont leurs agneaux, tu peux pas regarder la fin de ton feuilleton. Enfin, je veux dire, par là, il y a une contrainte d'aller soigner les brebis, ou il y a une contrainte d'aller faucher la luzerne, ou il y a une contrainte d'aller cultiver la terre quand il y a du soleil, et non pas parce que c'est dimanche ou lundi. Donc la nature nous impose ses règles et ses lois. C'est Élisée Reclus qui disait les seules lois. Élisée Reclus est un géographe libertaire, donc anarchiste. Les seules lois desquelles on ne peut pas se défaire, c'est celles du vivant. C'est un truc qui a toujours étonné les Kogis, de se dire pourquoi vous dépensez tant d'énergie et tant de moyens pour entretenir vos lois que vous changez quand ça vous arrange, les avocats, l'armée, la police, les députés, dès que ça vous arrange, vous les changez. Et pourquoi vous ne respectez pas à ce point les lois qui font de la vie, qui nous font vivre et qui sont les seules importantes ? Les Kogis, ça les étonne incroyablement qu'on ne respecte pas ces lois qui fait que vous êtes en face de moi avec un micro, des yeux, un nez et que vous pouvez respirer. Donc leur référence, c'est celle-là. Et nous, on les a perdues. Et en disant ça, c'est pas revenons en arrière, c'est simplement sera-t-on capable d'avoir une relation de non-domination responsable au vivant ? Il n'y a pas d'autre question. Le reste, pour moi, le reste découle de ça. Mais alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on les a perdus ? Pourquoi est-ce qu'on a perdu la notion du vivant ? Pourquoi est-ce qu'on est dans une civilisation de développement et plus de contemplation ? Pour une raison tellement simple aussi qu'on l'a perdu, c'est que notre société ne produit que des objets de désir. Et donc quand on satisfait un désir, ça provoque du plaisir, que ce soit du désir apporté par l'argent, par le sexe, par le pouvoir. Et tout être humain a envie de générer le plaisir que suscite l'objet de désir. Donc à part ça, on ne met plus de limites, on n'amène plus les jeunes à se renseigner sur cette pulsion. La pulsion poussée à son maximum, sa satisfaction notamment, provoque des burn-out et des souffrances dans tous les sens. Un, parce que tout le monde n'y a pas accès. Et deux, parce que les addicts, quel que soit le sexe, le pouvoir, l'argent ou un autre objet de plaisir, nous rend complètement dingues. Donc il n'y a que la nature qui peut réguler ça. Voilà, donc tant qu'on n'aura pas compris qu'on a besoin d'être régulé pour s'ouvrir en conscience, on va finir par produire des gens complètement burn-out ou alors en souffrance maximum, ce qui se passe en ce moment. Et comment se positionnent les Kogis par rapport à ce désir ? Parce que face à la mondialisation, eux aussi voient ce qui se passe, connaissent les télés, les téléphones portables, les appareils photos. Comment eux vivent ce développement matériel ? Les Kogis sont des êtres humains, pas tout à fait comme tout le monde, mais en tout cas êtres humains. Et donc quand vous faites passer devant un jeune Kogi un objet de convoitise ou de désir, évidemment que ça marche. La différence avec nos sociétés, c'est que très tôt, ils sont accompagnés, on va dire débriefés, sur quelles sont ces émotions intérieures qui nous traversent et comment faire en sorte de les tenir à distance. Le cœur de leur système éducatif, c'est comment gérer le cheval fou qui t'habite. Le cheval fou étant entendu par les émotions, la colère, l'envie, le désir. Donc ils ne sont pas à l'abri du désir, mais ils ont très tôt un système éducatif qui leur permet au moins de prendre du recul sur cette pulsion et de regarder comment la gérer. Et ensuite, ils ont un système de valeurs extrêmement fort qui leur permet de réguler ces problèmes de pouvoir, ces problèmes d'ego. Ils n'y arrivent pas toujours, ce n'est pas des surhommes. Hein. Mais par exemple, le mot « je » n'existe pas dans leur langue. Le mot « moi » n'existe pas. « Ma femme »,« ma maison », »,« ma terre ». À partir du moment où quelqu'un a dit « cette terre est à moi », ça y est, il a commencé à foutre la merde, « cette terre est à nous ». Par contre, la responsabilité de la cultiver appartient peut-être à celui qui la travaille. Donc ça veut dire que rien que dans la conception du regard sur le monde, dans la linguistique, la manière de me relier au monde par la langue, il y a déjà un rapport à l'autre et au monde qui n'a rien à voir avec le nôtre. Alors ça ne garantit pas qu'ils soient à l'abri du désir, mais en tout cas ça les aide bien à le tenir à distance. Comment est organisée la société Kogi ? Est-ce qu'ils ont des chefs ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie aussi ? Non, évidemment. Il y a toujours une hiérarchie parce que dans le monde, personne n'est égal. Une marguerite n'est pas égale à un rhinocéros. La seule différence, c'est que derrière cette inégalité ou cette altérité, Nous y mettons des hiérarchies, des jugements de valeur. L'homme est plus intelligent que la femme. Je crois que la femme a eu accès au droit de vote en France en 1948, ce qui est quand même incroyable. Et en Suisse, je crois qu'il y a encore un canton qui n'a pas encore donné le droit au vote, ou alors il y a un an ou deux, c'est très récent. Voilà, donc il y a reconnaissance de l'altérité, parce que c'est normal, c'est ce qu'ils font de la vie, mais il n'y a pas de jugement de valeur derrière. La femme ou l'homme ou la marguerite n'est pas plus ou moins. Et il ne peut pas y avoir de chef dans un système comme celui-là. Ils ont une terreur bleue que l'un impose ses vues à tous. Donc la notion de pouvoir, en fait, ce qu'ils gèrent en particulier, c'est les notions de pouvoir, les notions d'ego et les émotions. Parce qu'ils disent, si ça c'est géré, le collectif arrivera à tenir une harmonie à peu près convenable, on va dire, pour ses membres, et tenir les maladies et la barbarie à distance. Si ça, c'est pas géré, c'est la porte ouverte à toutes les barbaries et toutes les maladies. Et quelque part, quand on regarde l'histoire de nos sociétés modernes, c'est un peu ça. Tant qu'on arrive à gérer l'ego, le pouvoir et tout ça, on tient un peu à distance les dysfonctionnements, et qu'on n'arrive plus à le gérer, c'est une catastrophe. Donc non, il n'y a pas de chef, surtout pas. Tu parlais aussi de système éducatif différent. Eh bien, par exemple, nous accordons une place essentielle à l'écriture et nous mettons nos enfants dans des petites boîtes depuis la maternelle jusqu'à je sais pas quand, jusqu'à ce que s'arrêtent leurs études. Ils sont assis, ils bougent pas beaucoup. Ils écoutent un maître qui ne les éduque pas au sens qui ne les éveille pas, qui est là pour reproduire un modèle. Je dis pas que tous les maîtres veulent faire ça ou toutes les maîtresses veulent faire ça, mais de plus en plus, le système mis en place est pour préparer les enfants à la vie active, à trouver un travail, pas du tout pour éveiller leur potentiel. Les cogis, c'est exactement l'inverse. Éveillons d'abord leur potentiel et en fonction de ça, on verra quelle place ils pourront prendre dans la société. Aucune écriture, parce qu'ils estiment que l'écriture, on ne le retient pas. Donc il faut que ça passe par l'apprentissage et l'intégration. Voilà, et c'est beaucoup le papa qui enseigne aux petits garçons le rôle d'un homme dans cette société. Beaucoup la maman pour la petite fille, et les parties collectives sont enseignées par le chaman dans des séances collectives qui durent 15 jours, 3 semaines. Il n'y a aucun écrit, il n'y a que des pratiques, des danses, des rituels, la connaissance d'un calendrier, la connaissance des papillons, des oiseaux, des insectes, des étoiles, etc. etc. Marcher des heures à travers la forêt, respirer par le nez, se retourner, jamais mettre un pied devant l'autre pour trouver le repos, poser les balises d'un monde nouveau. Faire un feu de bois, boire à la rivière pour la première fois. Chanter avec le lièvre, le renard et le loup. Voyez vers la cache du carcajou. Jouer de la vielle avec un farfadet. Descendre dans la grotte avec les feux follets. Laisser la poésie décider de son sort. Sortir au matin et accepter la mort. Dans la vie sans penser à tenir le cap tout droit vers son destin. Tu disais avant que le voyage solidaire était pour toi un concept peut-être encore une fois basé sur l'ego, parce que 90% voire plus des gens qu'on va rencontrer, on va les laisser sur place en partant, ou n'auront jamais la chance de pouvoir venir voir ce qui se passe chez nous en Europe, en Occident. Est-ce que des co-guides ont pu venir découvrir nos modes de vie ici? C'était pas ce que je pointe dans ces voyages-là, c'est pas tellement que ce soit inégalitaire ou des choses comme ça. Enfin, si, c'est plutôt que c'est inégalitaire, c'est-à-dire que nous, on a la liberté de faire un choix qui n'est pas réciproque. Et à partir de là, ça fausse forcément la relation. Vous êtes au fin fond de votre forêt, vous avez des étrangers qui arrivent pour vous aider avec un peu d'argent, vous n'allez pas dire non. Mais vous, dans l'autre sens, vous ne pouvez pas aller dans leur pays. C'est pas réciproque, c'est en ce sens-là que la notion de voyage solidaire m'interpelle un peu, parce que j'ai du mal à comprendre cette injuste relation quelque part. Et les Kogis sont venus en France, oui, en plusieurs fois. Et ils nous avaient dit, dans la démarche d'achat de terre, si vous voulez, on vient vous aider en France. Ils sont venus et ils sont arrivés à Roissy en me demandant, est-ce qu'on peut voir des sages chez toi? Ce qu'ils voulaient voir, c'est des sages. Alors, j'étais un peu embarrassé, trouver des sages en France. On en a trouvé. Et c'est vrai qu'ils arrivent avec un regard qui pointe tous les dysfonctionnements de nos sociétés, voilà. Pourquoi on roule sur des routes à 15 voitures avec des bouchons et des panneaux qui indiquent rouler à 60 parce que vous êtes en train de vous gazer? Comment tu veux expliquer ça rationnellement? Pourquoi on est dans un bouchon pendant 2 heures et ils nous demandent qu'est-ce que vous faites avec les voitures? Je dis j'en sais rien ce qu'on fait avec les voitures. il n'arrête pas de pointer les déséquilibres et les paradoxes de nos modernités qu'on ne voit plus parce que voilà, on est dans le bouchon, on dit on en a pour. Enfin, ça devient une normalité, ces dysfonctionnements. Et ça devient une normalité parce qu'on n'a plus de lien au vivant. Pour moi, on ne mesure plus du tout les conséquences de nos modes de vie. Pour moi, j'appelle ça des modes de vie chasse d'eau. C'est-à-dire qu'on fait caca dans le truc, on appuie sur un bouton, tout ça, ça s'en va et on espère que quelqu'un va gérer les problèmes. La plus grande des questions, c'est pourquoi sommes-nous à ce point-là dans un monde de déni ? Non seulement on est dans un monde de déni, mais on est dans un monde d'immobilisme. Ça me fascine. Mais je le vois plus comme une fascination anthropologique que comme un problème, parce que je vais rien faire pour ça. Enfin, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Mais c'est fascinant de se dire, là je lisais encore dans un journal ce matin, le réchauffement climatique à 30 ans, il va pas être de plus 2, mais il va être de plus 6 degrés. Voilà. Et plus on avance, moins il se passe. En fait, si on constate réellement, nos colloques, nos livres, nos films, nos machins, ne servent strictement à rien. Alors c'est un déni phénoménal de se dire... On s'agite, mais c'est comme des petites bulles qui s'agitent dans une casserole, ça n'a aucun effet. C'est très impressionnant de ne pas se mettre autour d'une table, de dire pourquoi nos agitations ne produisent rien. Voilà. Et la deuxième chose, c'est pourquoi refuse-t-on à ce point-là de voir ce qui est. D'où viennent ces questions de déni. Mais encore une fois, je ne les vois pas comme « Ah, c'est triste, c'est malheureux, je m'en fiche, c'est pas ça ce qui se passera », mais c'est des curiosités anthropologiques qui m'interpellent. Et de voir ce qui va se passer, ouais, c'est plutôt rigolo en fait. Regarde ailleurs. Les rares d'ailleurs. Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Alors tu es un homme d'action qui met pas mal de choses en place. Là on est donc sur le forum Terre du Ciel. Tu es sur un stand. Il y en a un autre à l'entrée, Club Terre. Est-ce que tu pourrais me présenter cette démarche et cette association qui s'est créée il y a maintenant un an et demi ? Club Terre, c'est justement pour essayer de se dire, bah tiens, face à ce déni et cette difficulté à se mettre en marche, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on se rend compte qu'on ne peut faire des choses aujourd'hui que quand on mobilise l'énergie des acteurs qui ont envie de faire quelque chose. J'ai envie de dire que la société française, je connais mal les autres, donc je parlerai juste de celle de la France, la société française, c'est comme un liquide avec des particules en suspension. Maintenant, reste à savoir qui va mettre le catalyseur dans les particules pour que les gens convergent vers une intention partagée. Club Terre est une proposition. Je ne dis pas que c'est la seule, je ne dis pas que c'est la meilleure, c'en est une. Et l'idée est la suivante. Chaque personne qui a envie de se mobiliser pour que change ou qu'arrive cette fameuse mutation dont on parle, met 10 euros par mois, ou 5 s'il ne peut pas mettre 10, dans un fonds de dotation. Alors c'est très pragmatique, fonds de dotation, ça permet la défiscalisation de 60% du don. Et c'est un peu comme un impôt citoyen. Moi, citoyen français, j'aimerais bien que ça change. Donc je mets 10 euros, c'est un impôt que je volontaire, dans un fonds de dotation pour permettre l'émergence de ce que moi j'estime nécessaire de faire émerger. C'est-à-dire que tous les donateurs vont se retrouver en forum participatif, on va faire les comptes. Tiens, on a 1 million d'euros. Il y a des méthodes maintenant qu'on appelle d'intelligence collective très rodées qui marchent très bien pour se dire qu'est-ce que nous choisissons de faire ensemble avec ces 1 million d'euros. Et toutes les démarches qui participent comme ça sur l'énergie des gens, sur la participation des gens, déclenchent deux conséquences immédiates qui sont celles qui nous manquent, les éléments qui nous manquent, à mon avis, c'est la confiance et l'espoir et la joie. C'est-à-dire, si des hommes et des femmes se mettent en marche pour faire émerger quelque chose qui leur parle et qu'ils ont eux-mêmes financé, donc c'est leur argent, c'est leur énergie, ça fait émerger. Wow ! On peut le faire ! C'est la société civile qui reprend conscience de son pouvoir politique. Je dis bien politique et pas politicien. Alors là, le déclencheur, c'est qu'est-ce qui fait que je passe de « Ah, c'est une bonne idée » à « Je fais le chèque », non pas au sens « Je donne de l'argent », même si c'est ça l'acte, au sens « Je nourris une énergie ». Parce que le jour où 3000 personnes auront fait cette démarche et qu'elles se retrouveront dans un grand forum pour décider de l'usage, là, on va avoir des emmerdes. Pourquoi on aura des emmerdes ? Parce que la société civile va prendre en main son avenir et que ça ne va pas forcément arranger tout le monde. Alors Club Terre essaie de renouveler cette démarche en remettant du sens, en remettant de la participation, mais en fait on ne fait que réinventer des choses qui ont toujours traversé l'histoire. Quand les premiers hommes étaient sur Terre, qu'il y avait un mammouth et qu'il y avait 400 personnes pour se... Alors, un mammouth c'est un peu gros, on va dire un chevreuil, je ne sais pas s'il existait, 300 personnes qui devaient manger le chevreuil, vous avez intérêt à trouver des règles de coopération pour gérer la rareté, autrement c'est le plus costaud qui tape les autres. Bah, cette question c'est toujours la même aujourd'hui, il faut partager les ressources. Donc c'est exactement les mêmes principes qu'il faut faire revivre. Et Club Terre est une démarche pour tenter de faire revivre des principes de vie.